We'll be right back. J'aurais pu piloter la barque d'un autre âne. T'as préféré prendre ton sablier, jeter ton auréole en pâture aux onnards. T'as débarqué de ton village pour t'échouer dans la ville lumière. Le strass, l'extasie et le phare. C'est la cité foute autour de la méduse avec tous mes fantasmes accrochés au capot. Dès la mort lente, des lendemains qui déjantent, d'autres il m'a plu le beau lapin. Et dans son phare, que le crasse, riant comme un crapaud, c'est le capitaine Fracasse. Connard, quand je t'ai vu dans la brume d'auteur, l'impertrempé pépine un peu clair. Faisant du stop, j'aurais pas dû rêver ni te faire croire que l'arc-en-ciel était au bout de mon pare-choc, de mon pare-choc. On avait mis des chaises pour les tontons voyeurs et des miroirs sans teint jusqu'au milieu des fleurs. Ils t'ont dessiné au layol un tatouage sous l'aréole. T'as bu un seau de tequila comme pour aller au sacrifice. Les rues de Londres, les marches du bordel ne montaient pas jusqu'à Moctezuma. Bien sûr, ta chambre était plus claire que les marais de Mexico. Et les grands prêtres officiels de travers, ils avaient troqué l'obsidienne pour le latex et la combi. Parfois, quand tu claquais la porte, tu te vengeais de ces petites cantrops dans une extase plus divine avec le grand serpent qui se mordait la queue. Et ton plaisir n'était jamais pour eux, jamais pour eux. Demain, quand je te vois dans la brume d'automne, je ne peux plus freiner, j'ai le frisson du deuil. T'aurais pu faire l'amour avec un ange sur un parking. Tu vas finir sous Pierre ou Paul, leur volte-face et leur looping. Ils mettront des tribunes autour du Père Lachaise.